54e leçon. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Leclerc va faire des courses. Au marché, il rencontre un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit : Mais que faites-vous ici, Monsieur Leclerc ? Qui êtes-vous ? Dit notre homme. Je suis la mort. Terrifié, Monsieur Leclerc rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme : J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Leclerc est furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari ? La mort lui répond : Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir, à Toulouse. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. Est-ce qu'il vient demain ? Je crois. Il rentre à la maison et fait sa valise. J'ai rendez-vous avec lui à 10h30. C'est un grand homme, habillé en noir.